Et Rodrigue, tu me disais que du coup, t'as passé 2 mois dans le centre d'internement à Luce. Oui, j'ai passé 2 mois au centre à Luce, quittant les tarifas, j'ai été déporté. On m'a à celui de déportation ici à Madrid. Ils ont voulu nous renvoyer au pays, au Cameroun. Bon, je ne sais pas pourquoi, on a passé 2 mois là-bas. Ils t'ont pas dit? Non, ils m'ont pas dit pourquoi ils voulaient me rapatrier. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont voulu me rapatrier. Ils m'ont pas dit. Ils vous ont pas. Et comment ça s'est passé là-bas? Vous pouviez utiliser vos téléphones portables? Vous pouviez vous communiquer? Au départ, on n'utilisait pas. Mais il y a eu un nouveau directeur qui est venu. Il a permis 2 heures du temps. Parce qu'on remettait par jour. Pour pouvoir utiliser le téléphone. 2 heures du temps par jour. 2 heures du temps, oui. Il faut noter ceci. Quand nous arrivions au centre d'Aloutier, nous sommes partis de Cadiz par avion menotté comme des brigands. Ah, vous êtes arrivés menottés. Menottés et dans un avion. Vous imaginez, vous êtes dans un avion, les mêmes menottés, on vous donne du pain. Vous ne savez où vous partez. Avec les mains attachées, comment est-ce que vous pouvez le manger? Et il y avait des passagers aussi dans l'avion avec non, vous non, c'était un avion, il n'y avait que des policiers et nous. Et vous savez quelle était la compagnie aérienne? J'ose croire que c'était une compagnie privée. Non, on n'a pas l'idée. C'était dans la nuit qu'ils sont venus nous chercher. Vous êtes à dire au tiers de 23h qu'à Cadiz, que l'avion... Nous sommes partis de Tarifa et dans un autobus, arrivés à Cadiz. Nous n'avons même pas eu le temps de regarder, de savoir où est-ce que nous on se trouve. Directement, il y a un avion qui était affrété pour nous, qui nous attendait. Et directement, du coup, il y avait un migrant, 3 policiers. Oh là. Et combien vous étiez dans l'avion? Nous étions 17 passagers. 17 migrants. Et donc le triple de policiers. Effectivement. Et du coup, quand vous êtes arrivé ici à Madrid, on vous a dit quand même que vous étiez à Madrid? Oui, on nous a dit qu'on était à Madrid. Et puis, que nous devons recevoir la visite de notre ambassadeur. Et puis, bon, dans tous les cas, nous devions être déportés chez nous. Au Cameroun. Oui. Bon, la raison pour laquelle on doit être déporté ne nous a pas été notifiée. Oui. Oui. En fait, on vous a dit juste, on vous a mis au courant de ce qui se passait et c'est tout. On vous a mis au courant de rien. On vous a juste mis dans la série de déportation, nous disant qu'on devait être déporté au Cameroun. On ne nous a pas dit pourquoi. Si. Oui. Et du coup, et quand vous étiez au centre, et comment vous vous êtes senti, la relation avec la police, comment est-ce? Oh, la police maltraite des gens. Elle menace des gens là-bas dedans. Vraiment, on n'arrive pas à s'exprimer là dedans. On frappe, on menace. Oui. Bon, c'est pas du tout facile. Non. C'est pas du tout facile. Quand vous êtes là-bas dedans, vraiment, le souffle est prêt à lâcher le souffle parce que c'est la merde là-dedans. Oui, franchement. Oui, je vais encore ajouter quelque chose. C'est que quand on est dans ce centre, on se sent vraiment humilié. Oui. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui a, même pour manger, il faut demander de la permission. Pour aller aux toilettes, il faut demander la permission. Pour se raser, nous sommes contrôlés comme des brigands. Dans ce centre, il y a des gens qui sont là pour des peines. Mais nous, les migrants, nous sommes mélangés avec ces gens, on ne sait pourquoi. Les gens qui sont des prisons, qui ont commis des crimes, tout ça. Nous les innocents, arrivés nouvellement en Espagne, on nous mélange avec ces gens. Imaginez-vous. Et est-ce que vous avez vu des femmes aussi? Oui, il y en a des femmes, mais nous ne sommes pas dans dans le même compartiment. D'accord. Mais vous les avez vues ou c'est complètement isolé? On ne pouvait pas les voir. C'est on isolé, les voit à travers les grilles. On les voit à travers les grilles, c'est tout. C'est tout. Et là, vous êtes sorti. Comment vous êtes sorti? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez sortir? Oui, la loi espagnole prévoit, après avoir passé 60 jours dans le centre, vous devez être automatiquement libéré. Donc, après. Si vous n'aviez pas été déporté. Déporté, si. Ah. Donc, après avoir passé nos deux mois, qu'on nous a libérés. Et il faut noter que nous avons été notifiés que nous devions rentrer chez nous. On a eu les billets d'avion. Sans l'accord de notre ambassade. Sans l'accord de votre ambassadeur. Ils ont voulu nous renvoyer sans l'accord de l'ambassade. Ça veut dire que là, vous avez juste une notification comme quoi vous devez prendre l'avion pour repartir chez vous. C'est tout. Bon, et ça va? Est-ce que vous avez trouvé un réseau autour de vous pour vous aider? Comment vous êtes organisé à la sortie? Moi, pour mon cas, moi, je suis souffrant. J'ai laissé mes amis là-bas. Je suis allé à l'hôpital où j'ai passé un mois, cinq jours. Et ma note de libération est venue me trouver à l'hôpital. Donc, c'est à mes frères, je ne sais pas comment ils se sont sortis là-bas, mais moi, c'est à l'hôpital qu'on est venu me dire que bon, j'étais libre. Nous qui sommes restés, quand nous, on a eu à faire nos 60 jours, on nous a libérés. Bon, il y a une association, MPDL, qui est venue nous chercher pour pouvoir nous donner un coup de main. Donc, vous êtes, en fait, quand vous êtes sorti, vous n'êtes pas sorti seul, non? Il y avait des gens quand même qui vous ont aidé. C'est un PDM qui est venu nous chercher. Ah, très bien. On pourrait dire à l'État espagnol vraiment, et les immigrés, vraiment, qui nous permettent, nous aussi, de pouvoir s'intégrer. Parce que nous aussi, on aimerait vraiment vivre ici. Et quand on arrive, il faut vraiment qu'ils nous permettent de pouvoir s'intégrer à la société et trouver. Pourquoi ne pas fonder une famille ici? On peut bien fonder une famille ici et faire une vie ici. Bien sûr. Oui, si, c'est ce que nous aimons, nous aussi. La liberté de choisir. Si, de la liberté de choisir. Si. Si tu restes. On se côtoie, il y a les Européens qui viennent en Afrique. Bon, pourquoi nous, on ne peut pas venir vivre en Europe? Bien sûr. C'est ce qu'on veut. J'aimerais aussi ajouter ceci. Et je ne pense pas que quand les Européens viennent en Afrique, il est soumis au même traitement que nous. Ça, je ne le pense pas. Bon, mais nous demandons, et nous venons aussi, c'est parce que, pour diverses raisons. Diverses raisons de maladie, la pauvreté et tout. Mais quand nous arrivons ici, quand on nous permet de nous intégrer, puis au lieu de nous faire subir certains désagréments, et je vous rappelle qu'il faut être très fort pour supporter ces deux mois quand vous êtes dans ce centre. Il faut être vraiment fort moralement. Il faut être fort. Si vous n'êtes pas fort moralement, vous craquez. Vous craquez. Donc, vraiment, nous demandons à l'État espagnol et à l'Union européenne vraiment d'essayer de revoir leurs lois et puis de nous favoriser l'intégration et puis, si jamais, de nous orienter que de nous mettre dans des conditions dans lesquelles qui laissent à désirer, vraiment. Qui sont inhumaines, non? Qui sont vraiment inhumaines. Vraiment inhumaines. Vexatoires. Oui, vous n'avez droit à rien. On vous dit, à votre entrée, vous avez droit à un avocat, vous avez droit à ceci, mais ce ne sont que des écritures. Mais rien de tout cela, vous n'avez. Rien de tout cela. Tu as droit à ceci, tu as droit à arriver. Même à l'infirmerie, vous allez à l'infirmerie. J'ai mal à la dent, on vous dit, vous allez, mais jamais rien de concret. Rien de concret. Moi, par exemple, si je ne tombais pas, peut-être je ne serais pas amené à l'hôpital. Et je ne suis pas le seul. J'ai mes amis, tout le monde avait des problèmes de soucis. On vous donne le même comprimé. Vous avez mal à la dent. C'est le même comprimé qu'on donne à celui qui a la fièvre, à celui qui a mal au ventre, le même comprimé. Et il y avait des Marocains qui refusaient de prendre ce traitement parce qu'ils disaient qu'il n'était pas approprié. Ce n'était pas le même comprimé pour toutes les maladies. Donc, d'autres refusaient. Donc, j'exhorte, c'est une exhortation à l'Union européenne et surtout à l'État espagnol, puisque l'Espagne est la porte d'entrée. Vraiment, d'essayer de faire quelque chose, de revoir leurs lois et de nous faciliter l'intégration. Bien sûr. Et comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Constant Gemera. Mais merci beaucoup, Constant. Ah, ça a été un plaisir de pouvoir m'exprimer. Si de temps en temps nous pouvions avoir l'occasion de nous exprimer comme ça, ça nous ferait vraiment plaisir de nous dégager. Parfois, vous savez, conserver toutes ces rancœurs dans le cœur, tout ça, ce n'est pas bon. Non, pour la santé, tout, ce n'est pas bon. Donc, quand vous avez quelqu'un à qui parler, quelqu'un à qui exprimer vos désagréments et tout, c'est vraiment important. C'est moi qui vous remercie de nous avoir permis de se défouler, de dire ce que nous avions dans le cœur. Très bien. Donc, merci beaucoup. Merci à toi.